La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. La biographie officielle de Milan Kundera, elle se résume en une phrase, précisant qu'il est né à Brno, en Tchécoslovaquie, le 1er avril 1929 et qu'il a émigré en France en 1975. Le reste, pour lui, n'est que littérature. À cela, il faut ajouter tout de même que son père était pianiste, qu'il a lui-même été compositeur et qu'il a fait des études de cinéma. Dire aussi qu'il a été enseignant à l'université de Rennes quand il est arrivé en France avec sa femme Vera, au cours de trois années qui ont été particulièrement heureuses, car en dehors de toute politique et même de toute écriture, comme nous l'avons vu hier avec François Ricard, au cours d'une émission à retrouver en téléchargement. Demain, nous parlerons de l'amour dans les romans de Kundera avec Alain Finkielkraut qui a consacré un livre à ce sujet intitulé « Et si l'amour durait ?». Et enfin jeudi, il sera question du rapport de Kundera avec la question de l'engagement. C'est Hélène Batty de Lalande qui nous en parlera. Après quoi, François Taillandier viendra nous dire à quel point cet écrivain l'a influencé dans son travail. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer la conception du roman selon Kundera, ainsi que les différents cycles de son œuvre, nous sommes avec vous, Martine Boyer-Weinmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en littérature française à l'Université Lyon 2. Vous avez travaillé sur la biographie littéraire, mais aussi sur le thème de la colère des écrivains, ce qui vous a amené à écrire notamment sur Milan Kundera, qui est lui-même un écrivain en colère. C'était dans Désaccord parfait, la réception paradoxale de l'œuvre de Milan Kundera, un livre collectif publié en 2009 aux éditions Elug. Et cette même année, 2009, vous avez publié également l'essai Lire Kundera, aux éditions Armand Collin. Alors on reviendra tout à l'heure sur la question de la colère chez Kundera, mais on peut dire d'ores et déjà que c'est le roman qui est l'exutoire de cette colère pour lui, parce que Milan Kundera, c'est un auteur qui croit profondément au roman, Martine Boyer-Weinmann. Oui, une croyance réaffirmée au roman. Le roman comme... point d'aboutissement, on pourrait dire, de d'autres genres et d'autres formes d'expression. On a parlé hier de ce rejet de l'âge lyrique ou du lyrisme de la poésie, mais ça ne veut pas dire que Kundera se désintéresse de la poésie, mais c'est au roman de reprendre en charge notamment ce registre, une conception forte du romanesque à une époque où, qu'il étudie notamment dans l'art du roman, mais et dans ses textes qu'il met en fiction, à une époque où la conception du roman elle-même dans l'espace français est en train de changer. Alors à qui se destinent les romans de Kundera? Vous allez me dire à tout le monde évidemment, mais est-ce que c'est plutôt pour le grand public qu'il espère les écrire ou est-ce qu'il pense les écrire pour un public déjà un petit peu avisé? Alors c'est une question très intéressante et très complexe qui renvoie donc à ce que nous avons appelé avec ma collègue dans cet ouvrage que vous avez mentionné, les désaccords parfaits, à des espaces de réception différents. Au fil des années et probablement au fil des années passées en exil, passées en France, on a pu noter que Kundera s'adressait à un public de plus en plus international, voire français, et qu'il y avait à l'intérieur de sa fiction des espèces de sutures ou des liens, le terme est plus positif et plus harmonique, des liens pour d'intellection pour un public non tchécophone ou moins connaisseur de cet espace culturel centre-européen. Mais pour répondre à votre question, je dirais qu'aujourd'hui, et je peux en faire état en tant qu'enseignante à l'université, Kundera s'adresse véritablement à un public très large. Mmh. Vos étudiants aiment lire Kundera. Absolument, il faut parfois même, j'ose le dire ici, les réfréner dans leur appétit de faire. Mais il faut pas réfréner les appétits de lecture. Non, pas du tout. Pas dans leur appétit de lecture, au contraire. Mais dans un... peut-être dans une crainte de les voir répéter un certain nombre de choses, mais il y a un engouement réel et tout à fait compréhensible, et il faut dire aussi, ça je tiens à le souligner, de la part d'étudiants étrangers, non francophones toujours, mais qui sont happés, j'ai pu en faire l'expérience, par des textes comme L'ignorance par exemple, un texte qui est immédiatement reçu par ces étudiants-là. Mais par exemple sur la question de l'élitisme, parce que on peut considérer que Kundera est d'une certaine manière un peu élitiste, dans le sens où il a une exigence quand même assez forte, et en même temps ce sont des livres qui se lisent tout de même relativement facilement. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Martine Boyer-Weinmann ? Alors sur l'élitisme, je dirais que Kundera s'efforce de rendre, ou s'il ne l'est pas déjà, son lecteur intelligent. C'est-à-dire que il y a chez lui une volonté de peut-être de susciter, vous parliez tout à l'heure de la colère, mais de susciter parfois de la réticence, en tout cas de la résistance, une résistance au plan de la compréhension, parfois aussi une résistance quant aux idées qui sont émises ou à des propositions qui sont faites sur la conception du roman ou sur l'air du temps, sur le zeitgeist. Mais je pense tout de même, et c'est ce qui en fait le caractère contemporain, que cette multitude de prises qu'il a à la fois sur les émotions, sur le sensible, sur sur la gestuelle, sur la manière de cheminer dans la vie, cette résonance existentielle que hier François Ricard a exposé, je pense que cela touche un public large. Et très franchement, cet élitisme, je ne le perçois pas, même si, et c'est le cas des écrivains extrêmement lettrés, comme Kundera, on prend un plaisir supérieur à le lire, à le relire, à découvrir après coup, et ça arrive même aux experts, ça j'en ai récemment fait l'expérience, de découvrir des petits pas croche-pieds, mais des petits effets de surprise que l'auteur Kundera a ménagé à l'intérieur de ses textes. Il y a un petit côté guide de vie parfois dans les livres de Milan Kundera, dans l'insoutenable légèreté de l'être. On sent qu'on est là en train de philosopher avec l'auteur, même s'il n'y a pas de réponse apportée par l'auteur. Alors la question de la réponse, oui, c'est nous introduit à la question de la... Oui, à qui s'adresse Milan Kundera? Est-ce qu'il attend véritablement une réponse? Est-ce qu'il ne, c'est le reproche qui lui a été fait parfois, il ne cadre pas trop l'espace de réception et la grille de lecture ou la perception de ses textes? Je crois que c'est vrai et faux, puisque il y a toujours dans ces textes une auto-ironie, hein, un moment où il procède soit à des digressions, soit à des moments où il se moque gentiment de lui-même. Donc oui, il y a ces espaces, mais ça c'est peut-être une mauvaise interprétation justement que de se laisser misreading, hein, on pourrait dire, que de se laisser guider trop passivement, hein, dans ce qui semble être ce que l'auteur veut qu'on comprenne. Voilà. Il c'est particulièrement vrai dans les essais, hein, qui peuvent avoir un caractère extrêmement prescriptif et voire péremptoire, mais c'est là où la résistance de la lecture doit entrer en jeu. Et c'est vrai aussi à l'intérieur du cycle ou des cycles romanesques. Cycle romanesque qui commence avec La Plaisanterie, hein, c'est son premier roman. On n'a pas vraiment raconté hier l'histoire de La Plaisanterie, on peut peut-être s'y arrêter un tout petit peu. C'est l'histoire d'une blague qui a mal tourné, Martine Boyer-Weinmann, une simple phrase un peu trop ironique à l'endroit du régime communiste, écrite par un jeune homme à son amoureuse au dos d'une carte postale, et cette carte est interceptée. Et ensuite, on tombe dans un univers qu'on pourrait peut-être qualifier de kafkaïen. Ce roman, pour vous, qu'est-ce qu'il ouvre finalement? Est-ce qu'on est déjà avec La Plaisanterie dans le Kundera qu'on connaît aujourd'hui? Et finalement, c'est le début d'un cycle, alors vous expliquerez plus tard qu'il y a plusieurs cycles, mais le début, voilà, l'émergence de cet écrivain-là. Alors, il faut bien sûr redire que c'est un roman qui était paru en Tchécoslovaquie sans aucun problème de censure. Mais c'est un problème, c'est un roman qui ouvre tout de même un principe de composition qu'on va retrouver tout au fil de sa carrière, malgré toutes ces différences, peut-être. On parlera de différences de langue ou de tempo, mais c'est un roman polyphonique où l'on entend plusieurs voix. Le roman est divisé en plusieurs chapitres portés par des personnages, des égos expérimentaux différents. On entend la voix de Ludwig, on entend la voix de Jaromir. C'est d'ailleurs la définition du roman par Kundera, hein, voilà. Des égos expérimentaux plongés dans une situation particulière. Voilà, plongés dans des situations particulières et qui vivent des moments de... Enfin, et c'est retraduit, enfin, c'est mis en fiction par Kundera, dans des registres extrêmement variés. Donc je crois que déjà cette notion de musique, de musicalité est très fortement présente, non seulement thématiquement, puisqu'il est question de musique dans ce texte, mais de registres, registres élégiaques, registres assez noirs. Et c'est un roman aussi qu'on peut qualifier de roman de la dévastation, puisque ça se termine sur une dévastation. C'est aussi un roman qui, c'est un fil conducteur aussi jusqu'au dernier, la fête de l'insignifiance, parle des pouvoirs de la blague ou de la plaisanterie. Petites causes, grands effets, mais aussi un roman existentiel dans la mesure où, même à travers la noirceur, il y a des espaces de luminosité et d'amour portés par notamment un ego expérimental féminin dans ce roman. Qui est Marquetta. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de l'œuvre de Milan Kundera avec vous, Martine Boyer-Weinmann. Vous avez présenté pour nous son premier roman, La plaisanterie. Il faut peut-être dire aussi que le roman, pour Milan Kundera, c'est une tradition qui remonte très loin et une tradition qui est proprement européenne. Alors ça, il faut que vous nous expliquiez un petit peu. Pourquoi est-ce que chez Milan Kundera, il y a toujours cette référence finalement géographique et historique à l'Europe? Pourquoi est-ce que pour lui, le roman, c'est forcément quelque chose qui est né en Europe et au moment des débuts de la modernité? Pour lui, bon, dans un texte très connu, il parle de l'héritage de Cervantes et l'héritage décrié de Cervantes, et il considère que le roman naît de Rabelais, hein, de l'esprit de Rabelais et du monde chevaleresque de Cervantes. Il le situe dans cet espace européen pour inclure aussi cet Occident kidnappé d'où il vient, à savoir la Tchécoslovaquie. Parce qu'il considère que tout ce qu'on a appelé les pays de l'Est étaient injustement rejetés à l'Est, précisément, voilà. Alors qu'ils appartiennent, dit-il, à la tradition de l'Occident. Tout à fait. Donc la Tchécoslovaquie, à l'époque, fait partie de cet espace centre-européen, et il emploie le terme de plus en plus de centre-européen. Il rejette ce terme germanisé de Mitteleuropa. Et il revient aussi dans beaucoup de ses notes, ou de ses notes d'auteur, ou de ses introductions, par exemple dans l'introduction à une variation sur Jacques le Fataliste, à cette exclusion de la Russie. Voilà. La Russie n'a pas connu, dit-il, ce moment de la Renaissance, et ça expliquerait beaucoup de choses, notamment dans l'évolution du genre romanesque. Beaucoup de choses, comme quoi, par exemple? Par exemple, Donc là, à propos de Dostoïevski, par exemple, il dit qu'à un moment donné, en 68, on lui propose d'adapter, un terme affreux pour Kundera, mais enfin, de mettre sur les planches ou de s'intéresser à Dostoïevski. Et il a une, on est en 68, il a une, quelques jours après l'arrivée des Russes, et il a un sentiment de dégoût Dostoïevski à ce moment-là, correspondant pour lui à à ce règne de la sentimentalité, de la sensiblerie, de la sensibilité qui lui semble être le contraire de la rationalité ou de ce qu'on a pu appeler l'esprit 18e, qu'il voit incarner à ce moment-là dans Diderot, même s'il aura des positions assez différentes, divergentes, parfois contradictoires. Kundera est très contradictoire dans ses interventions à propos de l'esprit des Lumières. Quand tout le monde dit « bravo les Lumières », il dit « je n'aime pas les Lumières sauf Diderot », etc. Mais pourquoi vouloir absolument comme ça caractériser de manière géographique la littérature, parce que Dostoïevski, c'est quand même aussi une branche, finalement, quoique éloignée, de la littérature européenne, et puis tous ces gens se lisent. Qu'est-ce qui est si important, finalement, dans cette géographisation ? La géographie est peut-être un leurre, hein. C'est une, de même qu'il y a une histoire littéraire des écrivains qui est à différencier assez nettement de l'histoire littéraire que pourrait faire un universitaire. De même, il y a une géographie plus sentimentale ou affective, subjective en tout cas, de la part de Kundera, qui ne se revendique pas enseignant, qui a d'ailleurs inventé des personnages assez caricaturaux d'enseignant, même si par ailleurs, il appelle de ses voeux une critique intelligente qui peut être de temps en temps universitaire aussi. Et même si ses étudiants apparemment l'apprécient beaucoup à Rennes, et que ses cours étaient très intéressants. Voilà. Donc il y a une géographie qui est une géographie sentimentale, une géographie imaginaire, et dans laquelle il panthéonise, où il met en relief des auteurs qui sont selon son cœur, hein, c'est-à-dire ses auteurs de l'espace centre européen, un peu oublié, son terreau de Mouzil à Bror à Gombrowicz. Alors il y a la géographie, puis il y a aussi l'histoire. Il caractérise le roman en deux périodes, une période qui serait le 18e et une période qui serait le 19e. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les grandes différences du roman d'une période à l'autre selon Milan Kundera, Martin Boye-Weinmann? Alors, pour ce qui est du 18e, ce qu'il affirme, en tout cas, c'est que surtout au moment où il a choisi le 18e, un petit peu pour survivre, c'est l'esprit de la légèreté, de la frivolité, une frivolité grave néanmoins, c'est aussi l'esprit des Lumières. Donc c'est Diderot dont on parlait, mais c'est aussi Sterne, Laclos. Et d'un point de vue plus romanesque, parce que ce qui l'intéresse au premier chef, c'est tout de même l'histoire du roman, c'est la pratique très fine du roman, par Stern, puis par Diderot, c'est-à-dire des procédés d'enchâssement, des procédés de digression, des procédés extrêmement subtils de composition. Parce que vraiment, je crois que Kundera est essentiellement un compositeur de romans. Oui, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, ce qui compte, c'est quand même beaucoup la structure, du roman, et que sa structure d'ailleurs, il l'a en tête dès le départ, il connaît la fin de ses romans au moment où il les écrit, contrairement à beaucoup, beaucoup d'écrivains. Et un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais tellement il est évident, mais c'est évidemment le rire et l'humour qui traversent ce grand roman 18e, entre autres. Alors, on y reviendra peut-être au rire et puis à l'ironie. Et alors, le 19e, pourquoi finalement ce serait, selon Kundera, un siècle moins intéressant d'un point de vue littéraire? Il y a quand même Balzac, il y a quand même Zola, il y a quand même des très grands écrivains, il les trouve quoi? Trop lourds? Il les trouve pas assez drôles, justement? Il me semble qu'il parle fort peu de Balzac et encore moins de Zola. En revanche, il parle de Flaubert. Et il en parle en termes tout à fait positifs. Mais d'ailleurs, il le démarque. Vous avez tout à l'heure fait allusion à Marquetta, ce personnage de la plaisanterie, dont le faux suicide, le suicide raté, est un écho du suicide tout à fait réussi d'Emma Bovary. Alors, ce qu'il y a dans une certaine vision du 19e, c'est d'ailleurs... C'est le versant romantique du 19e qu'il rejette, aussi bien d'ailleurs dans la littérature que peut-être dans la musique. Donc le 19e serait trop lyrique aussi. Le 19e serait un temps du pathos, un temps du réalisme aussi, d'un certain pathos, de la surcharge, de manque peut-être d'ambiguïté. Peut-être, dans ce temps-là. Mais il ne rejette pas tout le 19e et encore moins la fin de certains 19e. Il y a des auteurs de la fin du 19e allemands qu'il apprécie. Bon, des gens qui sont un petit peu dans la lignée de Flaubert, par exemple, des gens comme Fontane ou autres. Alors, pour aller un peu plus loin dans la conception du roman de Milan Kundera, je vous propose d'écouter parler de la manière dont il a travaillé sur son personnage de Teresa. C'est dans le livre « L'insoutenable légèreté de l'être ». Il en parlait à Pierre Cipriot en 1984. Je ne me demande pas ce que Teresa pense dans certains moments. Je me demande plutôt ce que ça signifie, son attitude. Je me demande qu'est-ce que c'est la jalousie de Teresa. Je ne me demande pas ce que Teresa sente et pense dans un moment donné, mais c'est-à-dire je ne veux pas entrer dans sa tête, je ne veux pas photographier ses pensées secrètes, parce que peut-être Teresa ne se comprend même pas. C'est moi qui comprends Teresa. C'est-à-dire c'est plutôt une méditation sur les situations d'un personnage, c'est-à-dire ce sont plutôt les questions métaphysiques que psychologiques. Ce sont plutôt les questions existentielle que psychologique. Alors, dans ce sens-là, je dis souvent que je n'aime pas le roman psychologique, que le monologue intérieur ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est ennuyeux, c'est sans intérêt. Je veux savoir d'un personnage plus que ce personnage, c'est de soi-même. Parce que l'homme, c'est même, disons, la fatalité, c'est même la malédiction de la vie humaine, que l'homme ne se comprend pas. Il pense toujours quelque chose, mais ce qu'il pense, ce sont souvent les banalités, les bêtises, mais il ne comprend pas l'essence de sa situation. Il vit quelque chose en ne sachant pas ce qu'il vit, en ne sachant pas ce que ça signifie, quel est le sens de ce qu'il vit. Des auteurs sur France Culture, ne me dis pas ce que tu penses, dis-moi plutôt ce que tu fais, semble dire à ces personnages Milan Kundera. Qu'est-ce qui vous semble important, vous, dans ce que vous venez d'entendre, Martine Boyer-Weinmann? Oui, on ne peut être que frappé par la réitération, le martèlement de ces termes, méditation, pensée, et par le sens, l'injonction de sens. Et ce que peut faire le roman, la puissance du roman, c'est de montrer ce que seul le roman peut voir, c'est-à-dire des attitudes, des gestes, peut-être pas entrer à l'intérieur du cerveau des personnages, comme dans le roman psychologique, mais montrer des gestes, c'est le cas de certains gestes de Teresa, par exemple dans L'Insoutenable, ou dans L'Immortalité, de gestes d'Agnès, des gestes d'abandon, des gestes érotiques, des gestes de pudeur. Donc, à travers, au lieu de dire la pudeur ou de dire cela signifie la pudeur, on nous montre des gestes, des états. Et d'ailleurs, Guy Scarpetta disait que c'était des romans qui étaient bien souvent très cinématographiques. Peut-être pour cette raison-là, parce que finalement, ce sont des romans qui montrent sans dire le sentiment, qui essaient de le montrer comme on fait au cinéma. Oui, il y a des effets, hein, effectivement, il y a des effets de montage, il y a des effets de grossissement, il y a des effets de vision de la part de Kundera, qui a cette connivence étroite avec ce genre. D'où peut-être aussi le désappointement de Kundera quand certains films tournés à partir de ses œuvres enlèvent cette subtilité en croyant montrer. Hein, donc je crois que c'est Guy Scarpetta aussi qui parle de ce que du chapeau, de la puissance symbolique d'un couvre-chef sur la tête de Sabina, alors qui est le chapeau porté le chapeau d'un père porté devant un amant, quand le roman le décrit ou l'évoque, ça a une puissance symbolique beaucoup plus foudroyante que lorsqu'on le voit dans un film où on n'a pas cette épaisseur de ce que l'on a déjà lu, déjà de la mémoire de ce que nous venons de lire. Vous faites référence au film donc de Philip Hoffman que Milan Kundera n'a pas beaucoup aimé. Alors il y a quand même cette idée que finalement on ne se comprend pas soi-même et que parce qu'on ne se comprend pas soi-même, au fond, ça ne sert à rien que le romancier retraduise les pensées des personnages, puisque de toute façon, comme je le disais, ce qui compte, c'est pas ce qu'on pense, c'est ce qu'on fait. Mais du coup, il y a quand même quelque chose d'un petit peu étrange, c'est que cette recherche du sens chez Milan Kundera, qui martèle le mot signifier, qu'est-ce que ça signifie, en même temps, il fait cette recherche alors même qu'il considère que le sens est impossible à trouver, que finalement le sens de la vie n'existe pas tellement. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe selon vous, Martine Boye-Weinmann? Alors oui, il y a un paradoxe. Néanmoins, la structure ou la composition polyphonique, encore une fois, ou le fait qu'on ait des contrepoints permanents par des personnages qui voient l'autre de façon tout à fait diverse, répondent à la question. Peut-être que l'exemple le plus frappant, c'est l'identité. Donc ce roman français, écrit en français, où un mari ne reconnaît pas, c'est toute la question, sa propre épouse. Donc là, il y a toute une interrogation sur comment l'autre vous voit et comment le roman peut faire apparaître cette altération identitaire dans l'espace de l'écriture. Alors, il arrive aussi que les personnages de Kundera parlent eux-mêmes de théorie du roman. Je vous propose d'écouter un extrait de L'Immortalité, lu par Jean Desgreny. Qu'es-tu en train d'écrire, au juste ? Ce n'est pas racontable. Dommage. Pourquoi dommage ? C'est une chance. De nos jours, on se jette sur tout ce qui a pu être écrit pour le transformer en film, en dramatique de télévision ou en bande dessinée. Puisque l'essentiel dans un roman est ce qu'on ne peut dire que par un roman, dans toute adaptation ne reste que l'inessentiel. Quiconque est assez fou pour écrire encore des romans aujourd'hui doit, s'il veut assurer leur protection, les écrire de telle manière qu'on ne puisse pas les adapter, autrement dit qu'on ne puisse pas les raconter. Je peux te raconter avec le plus grand plaisir les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas quand tu veux et de bout en bout. Je suis comme toi, j'aime Alexandre Dumas. Pourtant, je regrette que presque tous les romans écrits à ce jour soient trop obéissants à la règle de l'unité d'action. Je veux dire qu'ils sont tous fondés sur un seul enchaînement causal d'actions et d'événements. Ces romans ressemblent à une rue étroite, le long de laquelle on pourchasse les personnages à coups de fouet. La tension dramatique, c'est la véritable malédiction du roman, parce qu'elle transforme tout, même les plus belles pages, même les scènes et les observations les plus surprenantes, en une simple étape menant au dénouement final où se concentre le sens de tout ce qui précède. Dévoré par le feu de sa propre tension, le roman se consume comme une botte de paille. La compagnie des auteurs sur France Culture. Il y a pourtant de la tension dramatique dans les romans de Milan Kundera. Il y en a même beaucoup, non ? Oui, il y a, alors selon les romans, il y en a beaucoup. Par exemple, dans la valse aux adieux, il y en a, puisque c'est une espèce de... Enfin, il y a une trame aussi qu'on peut entendre comme une trame policière, notamment. Mais donc la grande puissance du roman de Kundera, c'est de mettre en scène sa propre contradiction à l'intérieur de ce texte, l'immortalité. Hein, c'est ce moment de réflexion sur l'état du roman et sur ce qu'il rejette, c'est-à-dire un roman linéaire, un roman téléologique, un roman classique, de le raconter d'une façon très drôlatique, ancre véritablement Kundera dans un romanesque de la littérature, un méta-romanesque de la littérature. C'est une très grande force, une très grande habileté chez lui. Mais il y a effectivement de la tension, mais il y a aussi des ruptures de rythme. Des ruptures de rythme, et puis il y a aussi la fusion entre l'essai et le roman. Et ça, c'est quand même très intéressant, notamment dans L'insoutenable légèreté de l'être, comment Kundera arrive finalement à mélanger, à mettre même presque sur un même plan la réflexion quasi philosophique, l'essai. On le voit réfléchir en même temps qu'il écrit, et le récit. Oui, donc là c'est véritablement c'est extrêmement contemporain, hein, de la part de Kundera, ce geste de ne pas dissocier, d'un point de vue générique, l'essai et la fiction, de l'inclure au sein d'un même récit. On peut lire aussi les essais, par ailleurs, séparés de Kundera, comme des prolongements ou des échos différés, des échos à distance de ce que, par ailleurs, roman inclut à l'intérieur de l'espace du roman. Donc il y a une homogénéité, une circulation très grande, et c'est une forme très intéressante, celle, notamment dans L'immortalité, qui est peut-être le roman le plus dense, le plus enchevêtré, le plus construit. Alors il a peut-être insinué, Milan Kundera, qu'il avait plus ou moins inventé ce genre qui mêle essai et fiction. Il a cité Breuer comme étant l'un de ses inspirateurs. Est-ce que vous considérez que, en effet, il franchit une marche supplémentaire par rapport à Breuer, ou est-ce qu'il est vraiment son direct héritier, Martin Boyer-Weinmann? Je ne connais pas suffisamment Breuer pour me permettre de trancher sur ce point, mais il est certain qu'il a été très grand lecteur de Breuer, qu'il inclut dans son panthéon, donc, et notamment des Somnambules. Oui, je pense qu'il y a la mort de Virgile, hein, qui le touche vraiment de près, puisque il y est question là de l'héritage, du testament, trahi ou pas, chez ce romancier. Donc, je pense que je pense pas qu'il ait véritablement inventé la chose, mais il l'a transposé dans un contexte qui est tout à fait contemporain, en jouant aussi sur des échelles, comme l'avait fait Breuer, mais sur des échelles temporelles. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs époques qui se mélangent là aussi dans les romans. Et sans qu'on soit jamais perdu, c'est là où quand même c'est une composition précisément très musicale. Des parties très référentielles qui se déroulent. Bon, c'est des dialogues entre à l'époque de Goethe. Bon, et puis des passages plus anachroniques, ou plus puisqu'on déjoue la synchronie Goethe entrant en discussion avec Hemingway. Bon, il y a des parties qui parlent de littérature à l'intérieur de cette fiction, d'autres parties qui glosent ce qu'est ou ce pourrait être le roman à l'intérieur du romanesque. Mais en fait, dans le livre du rire et de l'oubli, il y avait déjà cette pente, notamment, et il y a vraiment quelque chose de très original chez Kundera, pour le coup, qui est la rêverie philologique. Et ça, personnellement, ça me touche énormément. La rêverie philologique sur un mot, sur une notion, par exemple, dans le rire livre du rire et de l'oubli, sur la litoste, c'est-à-dire un sentiment, une notion qu'il déclare intraduisible venue du tchèque. Donc, il y a cette tentation dès ces textes plus anciens, je pense. Alors, on va continuer à parler de Milan Kundera avec vous, Martine Boyer-Weinmann, juste après la chronique dans Compagnie des Revues. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec vous aujourd'hui Marianne Payot, rédactrice en chef adjointe au magazine L'Express. Bonjour Marianne. Bonjour. Vous venez nous parler d'un document, enquête, reportage, tout ça à la fois intitulé « Madame, vous allez m'émouvoir ». Oui, il ne vous aura pas échappé que l'année 18 s'achève, et avec elle le centenaire de la fin de l'effroyable boucherie de la Première Guerre mondiale. Il est donc grand temps de découvrir ce document enquête-reportage titré « Madame, vous allez m'émouvoir » de Lucie Tiernière chez Flammarion. Totalement inconnue de la sphère médiatico-éditoriale, cette jeune femme s'est attelée, presque par hasard, en néophyte et avec bonheur, à reconstituer l'odyssée de sa famille à travers les deux guerres mondiales. Et livre, au terme d'un véritable marathon, un récit captivant qui dessine, in fine, une histoire de la France au XXe siècle. Tout est parti d'un 14 juillet et ressemble finalement à une épopée républicaine. Oui, tout est né des 350 longues lettres dénichées par Lucie Tenière chez sa grand-mère en juillet 2012. Lorsqu'elle commence à lire cette correspondance de son arrière-grand-père Paul Cabois, datée de 1914 à 1916, la trentenaire de Bruxelles ne sait pas encore qu'elle consacrera près de 6 ans de sa vie à ressusciter l'étonnante saga de sa famille. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant ces 6 années ? Eh bien, dans un premier temps, happée par la puissance des missives de son arrière-grand-père, médecin de son état, Lucie, employée d'une association œuvrant pour les énergies renouvelables en Europe, s'est donnée pour mission de publier ce témoignage à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale en 2014. Un témoignage unique en effet que celui de Paul Cabois, engagé volontaire en 14 comme simple soldat, mais qui se fait très vite remarquer. C'est qu'il n'a de cesse d'améliorer les conditions de vie dans l'enfer des tranchées. Il crée un brancard à rouettes, construit des latrines, dessine des boyaux, ou encore réalise de nouvelles cartes topographiques. Mais voilà, Lucie Tenière se prend au jeu, déroule le fil d'Ariane, et se transforme bientôt en détective historique. Car au-delà des lettres du docteur Cabois, Lucie tombe sur les 23 tomes du journal de Jules, le père de ce dernier, et les carnets de toute la fratrie. C'est qu'on écrit beaucoup chez les Cabois, famille d'intellectuels bretons à la tripe des Réfusardes. Et puis il y a des photos, des dessins, les dossiers des archives et les multiples témoignages recueillis auprès de nonagénaires à la mémoire plus ou moins flanchante. Mmh. Une matière inouïe dans laquelle la jeune femme s'investit totalement. Mais alors elle n'est pas écrivaine, comment est-ce qu'elle a pu trouver le temps finalement de faire ce travail immense ? C'est une bonne salariée. Pour mener à bien sa quête, elle a pris un congé sabbatique. Puis elle a été licenciée à son grand soulagement. Car après la Grande Guerre, elle s'attaque à 39-45. Tout le monde s'engage dans cette famille, note amusée Lucie, ainsi prénommée, en l'honneur d'une amie de la famille, Lucie Aubrac. Paul, mais aussi son fils Jean-Pierre, sa sœur Jeannette, son beau-frère député Albert Le Bail, son neveu Binoui, tous vont rentrer dans la résistance. Jusqu'au cadet Jean, le préfet, dont on ne sait s'il a finalement, avant de rejoindre la résistance, participé ou non à la première rafle des Juifs. Lucie raconte tout, son enquête, ses doutes, ses enthousiasmes, l'émotion des réunions familiales. Le récit est fluide, passionnant et finalement exemplaire à bien des égards. Et puis un autre conseil de lecture, Marianne, c'est « Dans le sillage de l'invincible Armada », livre de Laurent Geoffrin, publié par les éditions Paulsen. Oui, voilà encore un récit fluide et passionnant, sur une bataille navale cette fois. À l'instar d'un Sylvain Tesson, parti l'hiver 2012 sur son sidecar sur les traces des grognards de Napoléon, le patron de Libération a enchaîné les bords sur son sloop de 11 mètres, de la Manche à l'Atlantique en passant par la mer du Nord, dans le sillage de l'invincible Armada qui prit la mer, rappelons-le, durant l'été 1588 pour aller renforcer les Tudors protestants et leur reine Élisabeth. Et quoi de plus emballant que cette folle épopée espagnole, forte de 130 navires et de 15 000 soldats et marins partis mater les réformés. Une véritable ville flottante, prête à enflanter la Royal Navy, qui, avec ses 80 galions, aurait dû, en toute logique, baisser pavillon. Et pourtant, le 22 septembre 1588, seuls 60 navires en piteux état, rescapés d'une effroyable hécatombe, rentrèrent au royaume du catholique Philippe II. Le skipper Geoffrin, lui, est revenu sain et sauf. Histoire de narrer avec verve et dans le détail cette extraordinaire expédition, entrecoupée d'échappées belles sur l'évolution des phares, des cartes, des canons et de la météo, et enfin aussi sur les progrès fulgurants de la voile. En un mot, un récit ébouriffant. Bah oui, ébouriffant, évidemment, par le sel, le vent, enfin la mer, quoi. Merci Marianne Payot, tout cela est bien plus encore à retrouver, évidemment, dans les pages livres du magazine L'Express, notre partenaire. Culture, vous écoutez La Compagnie des Auteurs au deuxième épisode d'une série consacrée à l'écrivain franco-tchèque Milan Kundera, romancier dont l'une des références dans l'art du roman demeure son compatriote Franz Kafka, et bien sûr son rapport au comique de l'absurde. Quand Kafka a lu pour la première fois le premier chapitre de son procès à ses amis, à Max Brod et à Verge et les autres. Alors tout le monde a ri. Tout le monde a ri. Franz Kafka ne pouvait presque continuer à lire à cause des larmes, mais des larmes de rire. Alors ils ont considéré ça très comique. Mais c'est un comique qui ne veut pas alléger les situations tragiques, qui ne veut pas compenser, n'est-ce pas, le poids du tragique par les plaisanteries. Au contraire, le comique de Kafka aggrave encore l'horrible de l'histoire. Cette histoire est horrible parce qu'il est comique. Entretien avec Viviane Forrester. Qu'est-ce qui vous semble important dans ce qu'on vient d'entendre, Martine Boyevenman? On commence à entendre ce que Milan Kundera lui-même entend dans la leçon de Kafka, c'est-à-dire la vis comica, la puissance énergisante de ce rire, de cet effet. Que tout le monde ne voit pas d'ailleurs, tous les lecteurs ne le voient pas. Que certains ne voient pas ou que certains vont édulcoré et bon, c'est un extrait d'un entretien dans lequel il prononce le nom de Max Brod, avec lequel il va évidemment Kundera avoir une relation plus que ambivalente. Mais cette dernière expression, hein, le comique aggrave l'horrible dans l'histoire, c'est quelque chose qu'il met également lui dans ses œuvres. Pourquoi une relation ambivalente avec Max Brod? Alors quand on lit... Qui était, je le rappelle, l'ami de Kafka et celui édité l'œuvre de Kafka. Peut-être le terme n'est pas... Enfin si, je crois que le terme est approprié. Quand on se borne à lire les Testaments trahis et notamment ces pages très drôles d'ailleurs, excessivement drôles, parce que colériques et parce que, oui, sur qu'on rappelle la kafkologie. Donc il désigne un peu Max Brod comme à l'origine d'une trahison, de celui qui a rassemblé, qui a fait publier la correspondance de Kafka, etc. Donc bon, on peut. Par ailleurs, c'est un Max Brod a commis un livre qui n'était pas tout à fait au niveau de celui de la capacité romanesque de Kafka. Donc bon, on peut entendre quelque chose de très négatif à propos de Max Brod. Néanmoins, et je l'entendais dans une de vos émissions consacrée à Kafka, récente d'ailleurs, il y avait un extrait de Kundera qui était proposé. C'était Jean-Pierre Lefebvre d'ailleurs qui était l'invité. Et là, il y avait de la part de Kundera une espèce de tendresse à l'égard de celui sans lequel, néanmoins, Kafka ne nous serait pas parvenu. Donc, je crois que ça dit aussi quelque chose sur la posture de Kundera en général, que ce soit, un mixte de tendresse et un dégoût du sentimentalisme, cette tension entre l'horrible et l'empathie, donc qui peut-être se réfugie et trouve son terreau dans le texte, dans les mots eux-mêmes, ou dans la composition, encore une fois. Alors pour revenir sur l'ironie, il en était question justement dans cette archive, il y a de l'auto-ironie chez Kundera, par exemple quand il se moque un petit peu de son exclusion du Parti communiste en 1950, enfin s'en moque-t-il, peut-être pas vraiment le mot, mais en tout cas il y a une mise à distance quand même de soi-même, et ça fait partie de son éthique un petit peu, Martin Boyd-Weinman. Oui, il y a de l'ironie, et toujours au sein du roman, bon, on peut voir dans d'autres textes comment il délègue peut-être à, ça c'était dans la lenteur, comment il délègue à d'autres personnages, en l'occurrence son épouse Vera, le pouvoir de dire là tu devrais pas faire ça, Milan Kou, tu vas te faire détester, en gros ils n'attendent que ça. Et bon, c'est en permanence cette capacité à se dédoubler ou à se regarder, à se présenter comme un objet à la fois haïssable et qui tendrait presque la joue pour se faire battre. Donc il y a cette recherche, et je crois que c'est ce nerf-là, ce goût de la tension, on la trouve dans les essais où il y a des propositions extrêmement cinglantes, mais qui sont parfois, qu'il faut lire parfois de façon plus subtile. Alors vous avez parlé de colère, oui. C'est vrai que c'est un écrivain en colère, Milan Kundera. C'est quoi? C'est ses personnages qui sont en colère? C'est lui qui est en colère? Et pourquoi finalement est-il en colère? Alors, bon, ces égos expérimentaux sont très souvent en colère. La colère, de façon plus générale, est dans l'esprit du roman, dans le sens du roman, ou dans la méditation du roman selon Kundera, ça a quand même aussi un sens plus fort, dans la mesure où, et là je ferai une citation d'un autre auteur qui est Artaud en l'occurrence, la colère a pu représenter le génie colérique d'une époque faite de révolutions, de ruptures avec le passé, de ruptures avec la tradition, de ruptures avec des avant-gardes ou de ruptures avec des arrière-gardes, et ce de façon violente. Alors cette colère, elle s'exprime à l'intérieur de l'espace romanesque, par exemple, contre certains poètes. Bon, colère contre le lyrisme, d'accord. Contre le lyrisme, mais ça oui, mais contre le lyrisme surtout. C'est ça, oui, contre le lyrisme. Contre le lyrisme, notamment dans le livre du rire et de l'oubli, où la figure, l'incarnation de ce que l'auteur peut-être peut exprimer de rejet dans la posture lyrique, c'est Éluard. Et oui. Éluard qui le poète de l'amour. Mais qu'on ne soit pas lyrique, pourquoi pas, mais pourquoi être en colère contre les lyriques? Est-ce qu'il n'y a pas un côté, alors on a beaucoup dit, Kundera, auteur réactionnaire, lui-même pouvait éventuellement accepter un petit peu, je crois qu'on l'a entendu dans une archive cette semaine, sur le mode de l'auto-ironie aussi, qu'il pouvait éventuellement être peut-être un peu réactionnaire, ou en tout cas avoir envers la modernité une sorte de répulsion. Est-ce que c'est de là qu'elle vient aussi, la colère? Non, je ne crois pas que ce soit exactement ça. C'est colère contre le lyrisme uniquement dans l'association du lyrisme avec la terreur, avec la politique, avec l'esthétisation, la forme esthétisée de la politique, et peut-être aussi ce que le moment romantique, le moment sublime du romantisme a pu incarner, aussi bien dans la poésie que dans la musique d'ailleurs. Donc c'est plutôt ça, l'association entre le lyrisme et la terreur. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Martine Boyer-Weinmann pour parler de la littérature de Kundera. J'ai annoncé dans mon chapeau qu'on parlerait un peu des différents cycles de Milan Kundera, mais l'heure file très vite. Quand même, il faut les présenter un petit peu, ces cycles, parce qu'ils sont importants. Martine Boyer-Weinmann, il y en a trois. Il y a le cycle tchèque, le cycle de transition, le cycle français. Qu'est-ce que vous retenez, vous ? Alors peut-être qu'il faut nous dire un petit peu ce qu'on trouve dans ces différents cycles et finalement ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre. Et qu'est-ce que vous en retenez au fond ? Cette périodisation, ou en tout cas cet essai de périodisation, elle a été très travaillée, notamment par François Ricard, mais aussi par Guy Scarpetta. Je n'ai pas du tout la prétention d'inventer ces charnières. Même par Milan Kundera lui-même, d'ailleurs. Et par Milan Kundera lui-même. C'est-à-dire qu'il est, on peut considérer qu'il y a un moment où Kundera écrit en tchèque depuis la Tchécoslovaquie. Une série de romans, on a parlé de notamment de La Plaisanterie, Risibles amours, La Valse aux adieux, oui, La vie est ailleurs, et puis un moment où il écrit en France, toujours en tchèque. Bon, la question de la langue est quand même capitale. J'espère qu'on aura un petit peu de temps d'en parler. Ah, il faut le dire tout de suite. Alors, on arrive déjà à la fin. Donc écrit en tchèque, mais vit en France. Bon, et là, l'immortalité est le dernier de ces textes écrits en tchèque, mais écrits en France. Mmh. Donc c'est véritablement un moment après lequel Kundera, il le dit lui-même dans des entretiens, a senti qu'il avait atteint un petit point, un point sublime, en quelque sorte, un point maximal de ce qu'il pouvait donner à ce moment-là sous la forme romanesque. Hein. C'est vraiment très complexe dans la structure, dans les parties, dans les chapitres, etc. Puis vient un moment de silence et puis un moment de renaissance ou de seconde naissance, comme il va le dire, où il va embrasser ce qu'il appelle sa seconde langue natale, et en liaison toujours, c'est pour ça que l'essai roman, parfois disjoint, parfois conjoint, dessine quand même quelque chose de très homogène chez lui. Donc il va commencer par des essais et puis publier quatre maintenant romans qui sont La Lenteur, qui sont en français mais qui sont pas que en français, qui bien souvent se passent aussi en France, parce que oui. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est pas la langue seulement, c'est l'univers dans lequel ces personnages sont plongés. Voilà. C'est l'univers dans lequel les expériences, finalement, puisque c'est comme ça qu'il définit le roman, par des expériences de personnages, eh ben, ils sont pas dans le même bain, ils sont pas dans le même milieu. Oui, ce sont des personnages qui évoluent donc dans un espace parfois même très français, très germano-pratin ou très familier. Et puis il y a un troisième roman comme celui qui s'appelle L'Ignorance, où on se situe entre, c'est écrit en français, c'est un roman de l'exil et sur l'exil et sur la nostalgie ou l'impossible nostalgie, et qui se situe entre les deux, hein, l'impossible retour dans les deux espaces et en langue française. Et puis le dernier, La Fête de l'insignifiance, alors là c'est le cœur de la francité, puisque le texte se déroule dans un espace clos, dans un espace parisien très noué autour du jardin du Luxembourg, où un certain nombre de personnages masculins devisent sur une autre obsession qui traverse toute l'œuvre de Kundera, le temps, l'âge, si bien du côté des femmes que beaucoup le vieillissement des hommes. Et il y a de l'ironie du coup sur eux, je pense, ou sur la France. Je pense. Oui, oui, bien sûr. Oui, sur la France, il y en a. Parce que dans L'Ignorance aussi, d'ailleurs, hein, le regard porté sur la commisération de certains Français à l'égard du pauvre exilé et le fait que l'exilé ne corresponde pas à la représentation que l'on se fait de l'exilé. Là, il exerce ça. C'est plus que de l'ironie. Là, c'est une charge méchante, mais méchante, enfin certainement juste, mais contre une forme de bien-pensance. Oui, la colère là aussi. Voilà, il y a une forme de colère, voilà, et qui s'exerce aussi, qui s'exerce aussi dans le du côté des enracinés, des gens qui sont restés en Tchéquie et qui n'ont pas bougé et qui ne reconnaissent pas. C'est une double méconnaissance. C'est la colère universelle de Milan Kundera. Merci beaucoup, Martine Boyer-Weinmann. Je rappelle que votre livre « Lire Milan Kundera » a paru aux éditions Armand Collin en 2009 et la même année, vous aviez fait paraître un ouvrage collectif co-dirigé avec Marie-Odile Thirouin intitulé « Désaccord parfait, la réception paradoxale de l'œuvre de Milan Kundera ». Cette émission a été rendue possible grâce à Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Jean Frédérics. Demain, la suite de notre série Kundera, on parlera de sa vision de l'amour et ce sera avec Alain Finkielkraut. Mais tout de suite, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la poésie et comme chaque jour, c'est Jacques Bonafé. Bonjour à tous, bonjour la compagnie. Yvon Lemaine nous rapporte des voyages. C'est étrange de dire cela. Nous rapporte quoi ? Des voyages. Les continents sont des radeaux perdus, dit sa trilogie. Mais il a bon pied, le Maine. L'homme naît grâce au cri, dit-il en empruntant la citation à Claude Vigée pour ouvrir un cri fendu en mille. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Cette citation-là, elle est de François d'Assise. Et pour Brigitte Nessara à Berlin en 1940, il emploie cette citation de Paul Celan, « Tes cheveux d'or, Marguerite, tes cheveux de cendre sous la mythe. » Brigitte, qui s'appelait Sarah, s'appelait Brigitte, s'appelle Sarah. Ce soir, vit à l'heure de sa mort, qui dure et dure encore, et n'a pas d'heure. L'heure du poème de Paul Celan, le poème de Soulamite de Marguerite, le poème des cheveux d'or, des cheveux de cendre, le poème de la fugue, le poème de la mort. Tes cheveux d'or, Brigitte, quand ils flottaient aux lumières de Bretagne, tes cheveux de cendre, Sarah, qui repose ce soir dans la main de Gerthe. Quand Gerthe disait, Sarah avait fini de respirer dans mes bras, il fallait comprendre qu'elle avait fini par respirer dans ses bras. C'était juste une faute de français. Gerthe qui dit ce soir, Sarah est trop forte pour mourir, trop faible pour vivre. C'est juste une faute de la vie qui sépare ceux qui s'aiment, des deux côtés des bras, des deux côtés des yeux, des deux côtés du temps, la main tendue de l'un recevant le visage détendu de l'autre, qui a vu où elle va vivre, à jamais. Dans un pré couvert de ciel, a dit Sarah. Dans mes yeux ouverts sur elle, a dit Gerthe. Brigitte, qui s'appelait Sarah, s'appelait Brigitte, s'appelle Sarah, a vu où elle va par les yeux de Gerthe, dans le revers du monde. Et puis, le temps d'en lire un extrait, à 5 kilomètres et à 1 siècle de Goethe, Buchenwald. Je sais qu'en allemand, Buchen veut dire être, Wald forêt, forêt de être où Goethe aimait se promener. Je ne sais pas si le poète pressentit qu'un jour sa forêt serait abattue. Pour abattre les hommes dont rêvèrent ses poèmes, je sais que les gardiens gardèrent en vie un arbre, un seul, le chêne où il s'adossait. Je ne sais pas à quoi le poète pensait quand il marchait dans ce lieu où j'ai marché, où il faisait un silence d'après poème. Plus loin. Je sais que le poème de Goethe, le roi des aulnes, se passe dans une forêt. Je ne sais pas s'il pensait à cette forêt quand il l'écrivit. Je sais que dans son poème, un enfant meurt dans les bras de son père. Je sais que dans son pays, des milliers d'enfants sont morts sans les bras de leur père, à 2 pas, à 1 siècle de son poème. Jacques Bonafé qui nous lisait des textes d'Yvon Lemaine. France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente Insoutenable longues étreintes de Galine Stoev. Amy, Monica, Charlie et Christophe sont quatre solitaires. Lorsqu'ils se croisent à New York, ville de tous les possibles, une quête effrénée du plaisir s'ouvre alors. Sexe, drogue, violence, chacun cherche sa voie. Leur voyage nous renvoie avec humour et tendresse à nos propres questionnements. Insoutenables longues étreintes, du 4 au 21 décembre au Théâtre de la Cité à Toulouse. Un partenariat France Culture. Il a bouleversé la mode. Entrant dans les coulisses, Jean-Paul Gaultier se déshabille au fil de 5 entretiens sur France Culture. De son enfance à ses débuts, ses plus grands défilés aux nuits londoniennes, il a amené la rue sur le podium et le podium dans la rue. Et puis un jour, j'ai vu Falbala. C'est là, en voyant le film avec Micheline Prel, je me suis dit, c'est ce métier-là que je veux faire. Je veux être ce monsieur, en fin de compte. L'icône de la mode ouvre son journal intime et rend hommage à celles et ceux qui l'ont inspiré. Jean-Paul Gaultier, à voix nue, de lundi à vendredi à 20h et sur franceculture.fr. Et à 17h sur France Culture, vous retrouverez à l'ASD la série documentaire. Il y sera toujours question des arbres, comme hier et comme toute la semaine jusqu'à jeudi. Mais tout de suite, c'est l'heure des sciences et de la méthode scientifique. C'est avec vous Olivier Lascar, bonjour. Oui, bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui, nous passons du côté obscur de la science, puisque nous allons parler de la matière noire. Ah bah ça fait peur, à demain. À demain Mathieu.